de toi est un hommage à ma chère tante Marge, elle qui fut mais sa sibiche en écho sans ses pois chiches. Elle a été ma tutrice, une mère, une bienfaitrice, faisant mon éducation à la terre et au juron. À la mort de mes parents, je fus son premier enfant, ne trouvant c'eût été beau de messieurs assez sabots. Bourrué, bâti comme un mâle, le nom de femme lui allait mal. Elle n'était pas une Vénus, mais juste un laidron de plus. Con de toi, me disait-elle, faut que tu penses à te marier. Sois un homme, mais sois fidèle, sinon mes mains vont te briser. Au fond d'elle, elle protégeait les jeunes filles trop esselées. Je n'ai toujours pas de compagne, mais ses paroles m'accompagnent. Le gosse que j'étais alors, n'oublie pas qu'aucun de sort. Les pois chiches qu'elle écossait, les chicots qui lui restaient. Derrière son masque de matrone et ses allures de pochtronne, elle était douce et joyeuse, ma bonne tante drôle de gueuse. Con de toi, me disait-elle, c'est même écrit sur sa stèle, personne ne vient plus fleurir son tombeau, c'est triste à dire. Chaque année, moi son gamin, je ramène quand je reviens des pois chiches que je dépose sur sa tombe en pierre.